Section 12 de Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 49, siècle d'Alexandre. Tandis que Denis tombait à Syracuse, qu'Athènes était en proie aux factions, un tyran s'était élevé en Macédoine. Le caractère de Philippe est trop connu et n'entre pas assez dans le plan de cet essai pour que je m'y arrête. Il me suffira de remarquer que Philippe est le père de cette politique moderne qui consiste à troubler pour recueillir, à corrompre pour régner. En vain Démosthène le foudroya de son éloquence, le roi de Macédoine, avançant dans l'ombre tant qu'il se sentit faible, leva le masque aussitôt qu'il se trouva fort. Les Grecs alors se réveillèrent, mais trop tard. Et leur bel édifice à la liberté, élevé avec tant de périls au milieu de mille tempêtes, s'écroula dans les plaines de Chéronée devant le génie de deux hommes qui vinrent encore changer la face de l'univers. Si l'âge d'Alexandre diffère du nôtre par la partie historique, il s'en rapproche du côté moral. Ce fut alors que s'éleva, comme de nos jours, une foule de philosophes qui se mirent à douter de Dieu, de l'univers et d'eux-mêmes. Jamais on ne poussa plus loin l'esprit de recherche. On écrivait sur tout, on analysait tout, on disséquait tout. Point de petits sentiers de politique, point de subtilité métaphysique qu'on eût soigneusement examiné. Les peuples, instruits de leurs droits, connaissant toutes les espèces de gouvernement, possédaient bien plus que des livres qui leur apprenaient à être libres. Ils avaient les traditions de leurs ancêtres et leurs tombeaux au champ de Marathon. Ils jouissaient même des formes républicaines, vains jouets que leurs tyrans leur laissèrent, comme on permet aux enfants de toucher des armes dont ils n'ont pas la force de faire usage. Grand exemple qui renverse nos systèmes sur l'effet des Lumières. Il prouve qu'il ne suffit pas de raisonner sciemment sur la vertu pour parvenir à l'indépendance, qu'il faut l'aimer, cette vertu, et que tous les moralistes de l'univers ne sauraient en donner le goût lorsqu'on l'a une fois perdue. Les siècles de Lumière, dans tous les temps, ont été ceux de la servitude. Par quel enchantement le nôtre sortirait-il de la règle commune? Les rapprochements des philosophes anciens et modernes qui vont suivre mettront le lecteur à même de juger jusqu'à quel point l'âge d'Alexandre ressembla au nôtre. On verra que, loin d'avoir rien imaginé de nouveau, nous sommes demeurés, excepté en histoire naturelle, fort au-dessous de la Grèce. On remarquera qu'à l'instant où les sophistes commencèrent à attaquer la religion et les idées reçues du peuple, celui-ci se trouva lié des chaînes de Philippe. D'après les données de l'histoire, je ne puis m'empêcher de trembler sur la destinée future de la France. Deux beaux génies, vivant à peu près dans le même temps, devinrent les fondateurs des diverses classes philosophiques de la Grèce. Thalès fut le père de l'école ionique, Pythagore celui de l'école italique. Traçons rapidement la philosophie des fondateurs des principales sectes de ces deux écoles, nous bornant à Platon, Aristote, Zénon, Épicure et Pyrrhon. J'ai parlé ailleurs de leur cosmogonie. Platon, la sagesse prise dans toute l'étendue platonique du mot et la connaissance de ce qui est. Philosophie, selon Platon, veut dire « désir de science divine ». Elle se divise en trois classes, philosophie de dialectique, philosophie de théorie, philosophie de pratique. Je passe la première. Philosophie de théorie. Rien ne se fait de rien. De là, deux principes de toute éternité. Dieu est la matière. Le premier imprima le mouvement et l'ordre à la seconde. Dieu ne peut rien créer, il a tout arrangé. Dieu, le principe opposé à la matière, est un être entièrement spirituel, bon par excellence, intelligent dans le degré le plus supérieur, mais non omnipuissant, car il ne peut subjuguer la propension au mal de la matière. Au reste, Platon enseignait l'immortalité de l'âme qui devait retourner d'après la mort du corps à Dieu dont elle était émanée. Quant à la politique, Platon admettait la monarchie comme le meilleur gouvernement. Aristote divisait la philosophie en trois sortes, de même que Platon, mais il est l'auteur du système célèbre de la chaîne des êtres. Quant au problème insoluble, savoir comment l'âme agit sur le corps, le Stagirite croyait avoir répondu en attribuant le phénomène à un acte immédiat de la volonté du moteur universel. Il n'en savait pas davantage sur la nature de l'âme, qu'il appelait une parfaite énergie. non le premier mouvement, mais un principe de mouvement, etc. Il la tenait immortelle. Zénon, père de la secte stoïcienne, soutenait que la philosophie est un effort de l'âme vers la sagesse et que dans cet effort consiste la vertu. Il affirmait encore que le monde périra alternativement par l'eau et le feu pour renaître ensuite sous la même forme. Que l'homme a une âme immortelle et il admettait, comme l'Église romaine, les trois états de récompense, de purification et de punition dans une autre vie, ainsi que la résurrection des corps après l'embrasement général du monde. Suivant Épicure, la philosophie est la recherche du bonheur. Le bonheur consiste dans la santé et la paix de l'âme. Deux espèces d'études y conduisent, celle de la physique et celle de la morale. Selon le même philosophe, il y a des dieux. Non que la raison nous le montre, l'instinct seul nous le dit, mais ces dieux, extrêmement heureux, ne se mêlent ni ne peuvent se mêler des choses humaines. Ils résident au séjour inconnu de la pureté, des délices et de la paix. La morale d'Épicure admet deux espèces de plaisirs. Le premier consiste en un parfait repos d'esprit et de corps, l'autre en une douce émotion des sens qui se communique à l'âme. Par plaisir, il ne faut pas entendre cette ivresse de passion qui nous subjugue, mais une tranquille absence de mots. Cet état de calme, à son tour, ne doit pas être une profonde apathie, un marasme de l'âme, mais cette position où l'on se sent lorsque toutes les fonctions mentales et corporelles s'accomplissent avec une paisible harmonie. Une vie heureuse n'est ni un torrent rapide, ni une eau léthargique, mais un ruisseau qui passe lentement et en silence, répétant dans son onde limpide les fleurs et la verdure de ses rivages. Quant à Pyrrhon, le vrai scepticisme antique n'était pas tant une négative universelle qu'une indifférence de tout. Le pyrrhonien ne rejetait pas l'existence des corps, les accidents du chaud et du froid, etc., mais il disait qu'il croyait apercevoir et sentir telle ou telle chose, sans savoir si cette chose était réellement, et sans qu'il importât qu'elle ne fût pas. Dieu est ou n'est pas. Tel corps paraît rond, carré, ovale. Il semble qu'il neige, que le soleil brille. Voilà le langage du scepticien. Nous devons moins considérer ce qu'il y a de vrai ou de faux dans ces systèmes que l'influence qu'ils ont eue sur le bonheur des peuples où ils furent enseignés. Par leur teneur, ils s'élevaient directement contre les institutions morales, religieuses et politiques de la Grèce. Aussi, les prêtres et les magistrats de la patrie s'y opposèrent-ils avec vigueur. Ils sentaient qu'ils attaquaient l'édifice jusqu'à la base. Que des livres qui prêchaient monarchie dans une république, athéisme ou déisme chez des nations pleines de foi, devaient amener tôt ou tard la destruction de l'ordre social. Ainsi, les philosophes grecs, de même que les nôtres, se trouvaient en guerre ouverte avec leur siècle. Et il ne faut jamais précipiter le cours des choses par nos opinions. Un gouvernement est-il mauvais? Une religion superstitieuse? Laissons agir le temps, il y remédiera mieux que nous. Les corps politiques, quand on les abandonne à eux-mêmes, ont leur métamorphose naturelle, comme les chrysalides. Longtemps l'animal, entouré des chaînes qu'il s'est lui-même forgées, languit dans le sommeil de l'abjection, sous l'apparence la plus vile. Lorsqu'un matin, au regard surpris, il perce les murs de sa prison, et déployant deux ailes brillantes, s'envole dans les champs de la liberté. Mais si, par une chaleur factice, vous cherchez à hâter le phénomène, souvent le ver meurt dans l'opération délicate, et, au lieu de reproduire la vie et la beauté, il ne vous reste qu'un cadavre et des formes hideuses. Avant de passer à ce grand sujet de l'influence des opinions sur les mœurs et les gouvernements des peuples, rapprochons nos philosophes de ceux de la Grèce. L'Italie, la France, la Grande-Bretagne, étant tombée sous le joug des peuples du Nord, une philosophie barbare s'étendit sur l'Occident, en même temps que la haine des sciences régnait dans ceux qui auraient pu les protéger. C'était alors que les empereurs faisaient des lois pour bannir les mathématiciens et les sorciers, que les papes incendiaient les bibliothèques de Rome. On étudiait avec ardeur dans les cloîtres le trivium et le quadrivium. Un moine inventait les notes de musique sur lut quoeant laxis, et pour comble de mots, vers le XIIe siècle, reparurent les ouvrages d'Aristote. Alors, on vit se former cette malheureuse philosophie scolastique qui se composait des subtilités de la dialectique péripatéticienne et du jargon mystique de Platon. Bientôt, la nouvelle secte se divisa en nominalistes, albertistes, occamistes, réalistes. Souvent, les champions en vinrent aux mains, et les papes et les rois prenaient parti pour et contre. entre les nouveaux philosophes brillèrent Thomas d'Aquin, Albert, Roger Bacon, et avant eux, Abélard, qu'il ne faut pas oublier. Il y a des morts dont le simple nom nous dit plus qu'on ne saurait exprimer. Cependant, Constantinople venait de passer sous le joug des Turcs, et le reste des philosophes grecs fugitifs trouvèrent un asile en Italie. Les lettres commencèrent à revivre de toutes parts, Dante et Pétrarque avaient paru. Celui-ci est plus connu par ses canzones que par ses traités de Contemptu Mundi, de sua ipsa et aliorum ignorantia, quoique ce dernier ouvrage vaille mieux que la plupart de ses sonnets. Mais l'or, Vaucluse, sont de doux noms, et les hommes se prennent plus aisément par le cœur que par la tête. Pic de la Mirandole, Policien, Ficinus et mille autres furent des prodiges d'érudition. Erasme suivit. Ses lettres et son éloge de la folie sont pleins d'esprit et d'élégance. Bientôt, les réformateurs de l'Église romaine attaquèrent plus vigoureusement encore la secte scolastique. On commença à faire revivre les autres philosophies de la Grèce. Gassendi renouvela peu après la secte d'Épicure et se rendit célèbre par son génie astronomique. Trois hommes enfin, Jordan Bruno, Jérôme Cardan et Francis Bacon, s'élevèrent en Europe, et dédaignant de marcher sur les pas des Grecs, se frayèrent une route nouvelle. En eux commence la philosophie moderne. Le chancelier Lord Bacon, un de ces hommes dont le genre humain s'honore, a laissé plusieurs ouvrages, mais c'est à son traité « On the Advancement of Learning » et à celui du « Novum Organon Sanctiarum » qu'il doit particulièrement son immortalité. Ce grand homme ouvrit à ceux qui l'ont suivi le vrai chemin de la philosophie. Et chacun écoutant son génie sut désormais où se placer. Tandis que Bacon brillait en Angleterre, Campanella florissait en Italie. Cet homme extraordinaire attaqua vigoureusement les préjugés de son siècle et tomba lui-même dans le vague des systèmes. Plongé 27 ans dans les cachots, il y vécut comme une salamandre au milieu du feu de son génie, n'ayant ni plume ni papier pour lui ouvrir une issue au dehors. Ses écrits étincellent, mais on y remarque une tête déréglée. Au reste, il admettait l'âme du monde de Platon, etc. Hobbes, contemporain de Bacon, publia plusieurs ouvrages. Son livre de la nature humaine, son traité de corpore politico, son Léviathan et sa dissertation sur l'homme sont les plus considérables. En politique, il trouva à peu près les principes du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais il soutient les opinions les plus destructives de la société. Il avance que l'autorité, non la vérité, doit faire le principe de la loi, que le magistrat suprême qui punit l'innocent pèche contre Dieu, mais non contre la justice, qu'il n'y a point de propriété, etc. En morale, il dit que l'état de la nature est un état de guerre, que la félicité consiste en un continuel passage de désir en désir. Descartes fit revivre le pyrrhonisme et ouvrit les sources du déluge de la philosophie moderne. La seule vérité, selon lui, consistait en son fameux argument « je pense, donc j'existe ». Il admettait les idées innées, l'existence de la matière. Il expliquait l'action de l'âme sur le corps d'après les principes de Platon. On connaît ces tourbillons en physique. Leibniz publia son système des monades, par lesquels il entendait une simple substance sans partie. Mais cette substance varie en propriétés et relations, et c'est de ces diverses mortifications apparentes que résultent plusieurs dans l'unité. Cela rentre dans les nombres de Pythagore et les idées de Platon. Leibniz est l'auteur du calcul différentiel. Spinoza rappelle l'athée par excellence. Il admettait une substance universelle, laquelle substance a en elle-même tous les principes de modification, elle est Dieu. Tout vient ainsi de Dieu. Le mort et le mourant, le riche et le pauvre, l'homme qui sourit et celui qui pleure, la terre, les astres, tout cela se passe et est en Dieu. Locke a laissé dans son traité « On Human Understanding » un des plus beaux monuments du génie de l'homme. On sait qu'il y détruit la doctrine des idées innées, qu'il explique la nature de ces idées, les dérivant de deux sources, la sensation et la réflexion. Grotius, après Machiavel, Mariana, Bodin, fut un des premiers à faire revivre en Europe la politique. Son livre, De jure belli et pacis, manque de méthode et s'étend au-delà de son titre. Il part d'ailleurs d'une majeure douteuse, la sociabilité de l'homme. Au reste, on y trouve du génie et de l'érudition. Pufendorf a déployé moins de génie que Grotius dans son traité de Jure Naturae et Gentium, mais on y apprend davantage par l'excellent plan de l'ouvrage. Il y part de la morale pour remonter à la politique, le seul chemin par où on puisse arriver à la vérité, considérant l'homme dans ses rapports avec Dieu, lui-même et ses semblables. L'universel scepticisme de Bayle se fait apercevoir dans ses écrits. Il y détruit tous les systèmes des autres sans en élever un lui-même. Il passe avec raison pour le plus grand dialecticien qui ait existé. Malebranche a laissé un nom célèbre. Les deux opinions les plus extraordinaires, qui aient peut-être été jamais avancées par aucun philosophe, se trouvent dans sa recherche de la vérité. Il y affirme que la pensée ne se produit pas de l'entendement, mais découle immédiatement de Dieu, et que l'esprit humain communique directement avec la divinité et voit tout en elle. Rappeler ces grands hommes qui travaillaient en même temps à l'histoire naturelle serait trop long et hors du sujet de cet ouvrage. Copernic, qui rendit à l'univers son vrai système, perdu depuis Pythagore, Galilée, qui inventa le télescope, découvrit les satellites de Jupiter, l'anneau de Saturne, etc. Enfin, l'immortel Newton, qui traça le chemin aux comètes, vit se mouvoir tous les mondes, pénétra dans les principes des couleurs, et vola, pour ainsi dire, à Dieu le secret de la nature. Tous ces hommes illustres précédèrent les encyclopédistes dont il me reste à parler. Il serait impossible d'entrer dans le détail de la philosophie des encyclopédistes. La plupart sont déjà oubliés et il ne reste d'eux que la Révolution française. Traiter de leurs livres n'est pas plus facile. Ils n'y ont point exposé de système complet. Nous voyons seulement par plusieurs ouvrages de Diderot qu'il admettait le pur athéisme sans en apporter que de mauvaises raisons. Voltaire n'entendait rien en métaphysique, il rit, fait de beaux vers et distille l'immoralité. Ceux qui se rapprochent encore plus de nous ne sont guère plus forts en raisonnement. Helvétius a écrit des livres d'enfants remplis de sophismes que le moindre Grimaud de collège pourrait réfuter. J'évite de parler de Condillac et de Mably. Je ne dis pas de Jean-Jacques Rousseau et de Montesquieu, deux hommes d'une trempe supérieure aux encyclopédistes. Quel fut donc l'esprit de cette secte? La destruction. Détruire, voilà leur but. Détruire, leur argument. Que voulaient-ils mettre à la place des choses présentes? Rien. C'était une rage contre les institutions de leur pays qui, à la vérité, n'étaient pas excellentes. Mais enfin, quiconque renverse doit rétablir, et c'est la chose difficile. La chose qui doit nous mettre en garde contre les innovations. C'est en effet de notre faiblesse que les vérités négatives sont à la portée de tout le monde, tandis que les raisons positives ne se découvrent qu'aux grands hommes. Un sot vous dira aisément une bonne raison contre, presque jamais une bonne raison pour. Si l'on trouve que je parle trop durement de ces savants, estimables à beaucoup d'autres égards, et moi aussi je leur rends justice de ce côté-là, j'en appelle à tout homme impartial. Qu'ont-ils produit? Dois-je me passionner pour leur athéisme? Newton, Locke, Bacon, Grotius, étaient-ils des esprits faibles, inférieurs à l'auteur de Jacques le Fataliste, à celui des contes de mon cousin Vadet? N'entendaient-ils rien en morale, en physique, en métaphysique, en politique? Jean-Jacques Rousseau était-il une petite âme? Eh bien, tous croyaient au Dieu de leur patrie, tous prêchaient religion et vertu. D'ailleurs, il y a une réflexion désolante. Était-ce bien l'opinion intime de leur conscience que les encyclopédistes publiaient? Les hommes sont si vains, si faibles, que souvent l'envie de faire du bruit leur fait avancer des choses dont ils ne possèdent pas la conviction. Avant de parler de l'influence que les beaux esprits du siècle d'Alexandre et ceux du nôtre eurent sur leur âge respectif, nous allons les présenter aux lecteurs rassemblés. Nous choisirons les plus aimables pour donner une idée de leurs ouvrages et de leur style. De là, nous passerons au tableau de leurs mœurs et nous aurons ainsi une petite histoire complète de la philosophie et des philosophes. Si les grâces de la diction, la chaleur de l'imagination, un je ne sais quoi dans l'expression de mystique et d'intellectuel qui ressemble au langage des anges, font le grand, le sublime écrivain, Platon en mérite le titre. Peut-être sa manière ressemble-t-elle davantage à celle du vertueux archevêque de Cambrai qu'au style de Jean-Jacques Rousseau, mais celui-ci, d'une autre part, s'en est rapproché davantage par son sujet. Nous allons offrir le beau groupe de ces trois génies qui renferment tout ce qu'il y a d'aimable dans la vertu, de grand dans les talents, de sensible dans le caractère des hommes. Platon, dans sa République, Fénelon, dans son Télémaque, Jean-Jacques Rousseau, dans son Émile, ont cherché l'homme moral et politique. Le premier divise sa République en trois classes. Le peuple, ou les mécaniques, les guerriers qui défendent la patrie, et les magistrats qui la dirigent. L'éducation du citoyen commence à sa naissance. Sans doute de tendres parents s'empressent autour de son berceau? Non. Porté dans un lieu commun, il attend qu'un lait inconnu vienne satisfaire à ses besoins. Et sa pauvre mère, qui ne le connaît plus, nourrit auprès de lui le fils de l'étrangère. Lorsque le citoyen commence à entrer dans l'âge de l'adolescence, le gymnase occupe ses instants. La première chose qui frappe sa vue, c'est la pudeur sans voile et les formes de la jeune fille souillée comme une rose dans la poussière de l'arène. Son œil s'accoutume à parcourir les grâces nues et son imagination perd les traits du beau idéal. Privé d'une famille, il ne pourra avoir une amante. Et lorsque la patrie aura choisi pour lui une compagne, il sera peu après obligé de rompre ses premiers liens pour recevoir dans la couche nuptiale non une vierge timide et rougissante, mais une épouse banale pour qui les baisers n'ont plus de chasteté ni l'amour de mystère. Si parmi ces enfants communs de la patrie, il s'en trouve un qui, pour la beauté de ses traits, les indices de son génie, décèle le grand homme futur, on l'enlève à la foule. On l'instruit dans les sciences, il va ensuite combattre avec les autres à la défense de la patrie. À mesure qu'il avance en âge, on lui confie les plus importants emplois et bientôt on lui découvre les causes secrètes de la nature. Un philosophe lui dévoile un grand être, il apprend à se détacher des choses humaines. Voyageur dans le monde intellectuel, il se dépouille pour ainsi dire de son corps, il s'associe à la sagesse divine, la nôtre n'est que l'ombre. Et lorsque 50 années d'études et de méditation l'ont rendu d'une nature supérieure à ses semblables, alors il redescend sur la terre et devient un des magistrats de la patrie. Tel est l'homme politique de Platon. Le divin disciple de Socrate, dans le délire de sa vertu, voulait spiritualiser les hommes terrestres, et pour les rendre pareils à Dieu, il commençait par opprimer le peuple en établissant un corps de janissaires, par faire des législateurs métaphysiciens et par enlever à tous la piété maternelle, l'amour conjugal que la nature donne aux tigres même dans leur désert. Des enfants communs, oh blasphème philosophique! Plus heureuse 100 fois la femme indigente de nos cités qui mendie ses premiers besoins en portant son fils dans ses bras. La société l'abandonne, mais la nature lui reste. Elle ne sentira point l'inclémence des hivers si, dans ses haillons, elle peut trouver un coin de manteau pour envelopper son tendre fruit. La faim même qui la dévore, elle l'oublie si sa mamelle donne encore la nourriture accoutumée au cher enfant qui sourit à ses larmes et presse le sein maternel de ses petites mains. Fénelon vit mieux que Platon l'état de la société. Son jeune homme moral quitte le lieu de sa naissance pour aller chercher son père. La sagesse, sous la figure de mentor, l'accompagne. Le premier pas qu'il fait dans la carrière est comme dans la vie, vers le malheur. La mort le menace, en Sicile. Échappé à ce danger, l'esclavage et la pauvreté l'attendent en Égypte. Les dieux et les lettres viennent à son secours. Prêt à retourner dans sa patrie, la main du sort le saisit de nouveau et le replonge dans les cachots. Là, du haut d'une tour, il passe ses jours à contempler les flots qui se brisent au loin sur les rivages et les mortels agités par la tempête. Tout à coup, un grand combat attire ses regards. Il voit tomber un roi despotique dont la tête sanglante, secouée par les cheveux, est montrée en spectacle au peuple qui l'opprimait. Télémaque quitte l'Égypte et la tyrannie la plus affreuse se montre à lui en Phénicie. Il abandonne cette terre d'esclavage et arrive à celle des plaisirs. Le jeune homme va succomber. Tout à coup, la sagesse se présente à lui. Il fuit avec elle cette île empoisonnée, et durant une navigation tranquille, il écoute des discours divins sur Dieu et la vertu qui rouvrent son cœur aux voluptés morales. Bientôt à l'horizon, on découvre des montagnes, dont le sommet se colore des premières réfractions de la lumière, peu à peu la crête s'avance au-devant du vaisseau, des moissons verdoyantes, des champs d'oliviers, des villages champêtres, des cabanes riantes, entrecoupées de bosquets, de bois, toute l'île enfin se déploie en amphithéâtre sur l'azur calme et brillant de la mer. Quelle baguette magique a créé cette terre enchantée ! Un bon gouvernement ! Ici, le spectacle d'un peuple heureux développe au jeune homme le secret des lois et de la politique. Il y apprend que le gouverné n'est pas fait pour le gouvernant, mais celui-ci pour le premier. Toujours croissant en sagesse, Télémaque refuse, par amour de la patrie, la royauté qu'on lui offre. Il s'embarque, après avoir mis un philosophe à la tête des Crétois. Et Vénus, irritée de ses mépris, l'attend avec l'amour à l'île de Calypso. Ici, il ne sent point cette volupté grossière qui subjuguait son corps à Chypre. Ce qu'il éprouve tient d'une nature céleste et règne à la fois dans son âme et dans ses sens. Ce ne sont plus des beautés hardies dont les grâces faciles n'offrent rien à deviner au désir. Ce sont les tresses flottantes de Charisse qui voilent des charmes inconnus. C'est la modestie, c'est la pudeur de la Vierge qui aime et n'ose avouer son amour, mais l'exhale comme un parfum autour d'elle. D'une autre part, une passion dévorante consume la malheureuse Calypso. La jalousie, plus dévorante encore, marbre ses yeux de taches livides, ses joues se creusent, elle rugit comme une lionne, Télémaque, effrayé, ne trouve d'abri qu'auprès de Charisse, que la déesse est prête à déchirer. Tandis que l'enfant Cupidon, au milieu de cette troupe de nymphes, s'applaudit en riant des maux qu'il a faits. C'en est fait, le jeune homme succombe, il va périr, la sagesse se présente à lui, l'entraîne vers le rivage. Insensible à la vertu, Télémaque ne voit que Charisse. Il voudrait baiser la trace de ses pas, et il demande à lui dire au moins un dernier adieu. Mais des flammes frappent soudain sa vue, elle s'élève du vaisseau que Minerve avait bâti et que l'amour vient de consumer. Une secrète joie pénètre dans le cœur du fils d'Ulysse. La sagesse prévoit le retour de sa faiblesse, saisit l'instant favorable et, poussant son élève du haut d'un roc dans les flots, s'y précipite avec lui. Télémaque aborde à la nage un vaisseau arrêté à la vue de l'île. Là, il retrouve un ancien ami. Celui-ci lui raconte la mort d'un tyran et lui fait la peinture d'un peuple heureux selon la nature. Le jeune homme, au milieu de ses doux entretiens, croyant arriver dans sa patrie, touche à des rives étrangères. Des tours à moitié élevées, des colonnes entourées d'échafauds, des temples sans comble annoncent une ville qui s'élève. Là règne Idoménée, chassé de Crète par ses sujets. Ici, Télémaque reçoit les dernières leçons. Le tableau des cours et de leurs vices passe devant ses yeux. L'homme vertueux banni, le fripon en place, les ambitions, les préjugés, les passions des rois, les guerres injustes, les plans faux de législation. Enfin, non l'excès de la tyrannie, mais ce mal général, peut-être pis encore, qui règne dans les gouvernements corrompus, est développé aux yeux de l'élève de Minerve. Après être descendu aux enfers, après y avoir vu les tourments réservés aux despotes et les récompenses accordées au bon roi, après avoir supporté les fatigues de la guerre et chéri une flamme licite pour l'épouse qu'il se choisit, Télémaque retourne dans sa patrie, instruit par la sagesse et l'adversité. Également fait désormais pour commander ou obéir aux hommes, puisqu'il a vaincu ses passions. Le défaut de cet immortel ouvrage vient de la hauteur de ses leçons, qui ne sont pas calculés pour tous les hommes. On y trouve des longueurs, surtout dans les derniers livres. Mais ceux qui aiment la vertu et chérissent en même temps le beau antique ne doivent jamais s'endormir sans avoir lu le second livre du Télémaque. L'influence de cet ouvrage de Fénelon a été considérable. Il renferme tous les principes du jour, il respire la liberté et la révolution même s'y trouve prédite. Que l'on considère l'âge où il a paru, et l'on verra qu'il est un des premiers écrits qui ont changé le cours des idées nationales en France. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. C'est ainsi que commence l'Émile, et cette phrase explique tout l'ouvrage. Jean-Jacques Rousseau prend, comme Platon, l'homme dans ses premiers langes. Il recommande le sein maternel. Il veut qu'aussitôt que l'enfant ouvre les yeux à la lumière, il soit soumis sur le champ à la nécessité, la seule loi de la vie. S'il pleure, on ne l'apaise point. S'il demande un objet, on l'y porte. La louange, le blâme, la frayeur, le courage sont des ressorts de l'âme dont il ignore même le nom. Dieu demande toute la force de la raison pour le comprendre. On n'en parle donc point à l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Aussitôt qu'il sort des mains des femmes, on le remet entre les mains de son ami. Non de son maître, il n'en a point. L'étude difficile de celui-ci est de ne rien lui apprendre. Émile ne sait ni lire ni écrire, mais il connaît sa faiblesse. Et tous les jours, dans ses jeux, quelques accidents lui font désirer de s'instruire des lettres, des mathématiques et des autres arts. Il en est ainsi pour lui des idées morales et civiles. On a bien pris garde de lui enseigner ce que c'est que la justice, la propriété, mais un joueur de gobelets, un jardinier et mille autres hasards développent graduellement dans son cerveau le système des choses relatives. Émile ne sait point rester où il s'ennuie, veiller lorsqu'il veut dormir. S'il a faim, il mange. S'il ne peut satisfaire ses besoins ou ses désirs, il ne murmure point. Ne connaît-il pas la nécessité ? Courageux, il ne l'est point, parce qu'il faut l'être, mais parce qu'il ignore le danger. La mort, il ne sait ce que c'est. Il a vu mourir, et cela lui semble bon, parce que c'est une chose naturelle et surtout une nécessité. Cependant, Émile a appris une question. « À quoi cela est-il bon » demande-t-il, lorsqu'il voit faire quelque chose qu'il ne connaît pas. Souvent, on ne répond point à cette question, et Émile, par hasard, ne manque pas de trouver tôt ou tard lui-même la raison dont il s'enquérait. Mais l'âge des passions s'avance, et l'on commence à entendre gronder l'orage. L'élève de Jean-Jacques Rousseau a appris dans ses jeux non seulement les principes des sciences abstraites, mais ceux des arts mécaniques, tels que la menuiserie. Car, quoiqu'Émile soit riche, il peut être exposé aux révolutions des étangs. « Vous vous fiez, dit Jean-Jacques Rousseau, à l'ordre actuel de la société, sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. » Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt ? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Je tiens pour impossible que les grandes monarchies de l'Europe aient encore longtemps à durer. Toutes ont brillé, et tout état qui brille est sur son déclin. J'ai de mon opinion des raisons plus particulières que cette maxime. Mais il n'est pas à propos de les dire, et chacun ne les voit que trop. Enfin, Émile parvient à l'âge de la raison, et Dieu va lui être dévoilé. Un philosophe sensible se rend un matin au sommet d'une haute colline, au bas de laquelle coule le Pô, tandis que le soleil levant projette l'ombre des arbres dans la vallée. Après quelques instants de silence et de recueillement, inspiré par ce beau spectacle et par les idées qu'il fait naître de la divinité, le vicaire savoyard prouve l'existence du grand être, non d'après des raisonnements métaphysiques, mais sur le sentiment qu'il en trouve dans son cœur. Un Dieu juste, bienfaisant et aimant les humains, est le seul que reconnaît Émile. L'amour a ses droits sur le cœur de l'élève de Jean-Jacques Rousseau, mais il veut une femme telle que son imagination éprise de la vertu se plaît à la lui peindre. Il la rencontre enfin dans une retraite. La modestie, la grâce, la beauté règnent sur le front de Sophie. Émile brûle et ne peut l'obtenir. Son ami l'arrache à son ivresse pour le mener parcourir l'Europe. La passion du jeune homme amoureux survit au temps et à l'absence. Il revient, épouse sa maîtresse et trouve le bonheur. Quoi ? C'est à cela que se réduit l'Émile ? Sans doute. Et Émile est autant au-dessus des hommes de son siècle qu'il y a de différence entre nous et les premiers Romains. Que dis-je ? Émile est l'homme par excellence, car il est l'homme de la nature. Son cœur ne connaît point les préjugés. Libre, courageux, bienfaisant, ayant toutes les vertus sans y prétendre, s'il a un défaut, c'est d'être isolé dans le monde et de vivre comme un géant dans nos petites sociétés. Tel est le fameux ouvrage qui a précipité notre révolution. Son principal défaut est de n'être écrit que pour peu de lecteurs. Je l'ai quelquefois vu entre les mains de certaines femmes qui cherchaient les règles pour l'éducation de leurs enfants. Et j'ai souri. ce livre n'est point un livre pratique. Il serait de toute impossibilité d'élever un jeune homme sur un système qui demande un concours d'êtres environnants qu'on ne saurait trouver. Mais le sage doit regarder cet écrit de Jean-Jacques Rousseau comme son trésor. Peut-être n'y a-t-il dans le monde entier que 5 ouvrages à lire, l'Émile en est un. Je commettrais un péché d'omission impardonnable si je finissais cet article sans parler de l'influence que l'Émile a eue sur ce siècle. J'avance hardiment qu'il a opéré une révolution complète dans l'Europe moderne et qu'il forme époque dans l'histoire des peuples. L'éducation, depuis la publication de cet ouvrage, s'altéra totalement en France et qui change l'éducation change les hommes. Quel dut être l'étonnement des nations lorsque Rousseau, sortant du cercle obscur des opinions reçues, aperçut au-delà la lumière de la vérité, que brisant l'édifice de nos idées sociales, il montra que nos principes, nos sentiments même, tenaient à des habitudes conventionnelles sucées avec le lait de nos mères, que par conséquent, nos meilleurs livres, nos plus justes institutions, n'avaient point encore montré la créature de Dieu, que nous existions comme dans une espèce de monde factice. L'étonnement, dis-je, dut être grand lorsque Rousseau vint à jeter parmi ses contemporains abâtardis l'homme vierge de la nature. Je ne fais point ces réflexions sur l'immortel Émile sans un sentiment douloureux. La profession de foi du vicaire savoyard, les principes politiques et moraux de cet ouvrage, sont devenus les machines qui ont battu l'édifice des gouvernements actuels de l'Europe, et surtout celui de la France. Mais si les philosophes anciens et modernes ont eu, par leurs opinions, la même influence sur leur siècle, ils n'eurent cependant ni les mêmes passions, ni les mêmes mœurs. Tout le monde a entendu parler du tonneau de Diogène, mais Nidus de Lampsaque paraissait en public revêtu d'une robe noire, un chapeau d'écorce sur la tête, où l'on voyait graver les 12 signes du zodiaque. Une longue barbe descendait à sa ceinture, et monté sur le cothurne tragique, il tenait un bâton de frêne à la main. Il se prétendait un esprit revenu des enfers pour prêcher la sagesse aux hommes. Anaxarque, maître de Pyrrhon, étant tombé dans une ravine, celui-ci refusa gravement de l'en retirer parce que toute chose est indifférente de soi, et qu'autant valait demeurer dans un trou que sur la terre. Lorsque Zénon marchait dans les villes, ses amis l'accompagnaient dans la crainte qu'il ne fût écrasé par les voitures. Il ne se donnait point la peine d'échapper à la fatalité. Démocrite s'enfermait pour étudier dans les tombeaux, et Héraclite broutait l'herbe de la montagne. Empédocle, voulant passer pour une divinité, se précipita dans l'Etna, mais le volcan ayant rejeté les sandales d'airain de cet impie, sa fourbe fut découverte. Cette fable des Grecs est ingénieuse. Ne veut-elle pas dire que les dieux savent l'orgueil du philosophe superbe, en le dénonçant à l'humanité par quelques parties viles et honteuses de son caractère? Nos philosophes modernes gardèrent au moins plus de mesure. Spinoza, il est vrai, vivait avec ses chiens, ses oiseaux, ses chats, et Jean-Jacques Rousseau portait l'habit arménien. Mais aucun ne s'en est allé dans les faubourgs prêchant la sagesse à la canaille assemblée. Et je doute que celui qui aurait voulu se loger dans un tonneau eût été laissé tranquille par la populace de nos villes, tant nos mœurs diffèrent de celles des anciens. Mais si les sophistes de la Grèce affectèrent l'originalité de conduite, ils ne se distinguèrent pas moins par la chasteté et la pureté de leurs mœurs. Ils s'occupaient tous des autres exercices des citoyens et supportaient comme eux les travaux de la patrie. Solon, Socrate, Charondas et 1000 autres furent non seulement de grands philosophes, mais de grands guerriers. La frugalité, le mépris des plaisirs, toutes les vertus morales brillaient dans leur caractère. Nos philosophes, bien différents, enfermés dans leur cabinet, brochaient le matin des livres sur la guerre où ils n'avaient jamais été, sur le gouvernement où ils n'avaient jamais eu part, sur l'homme naturel qu'ils n'avaient jamais étudié que dans les sociétés de la capitale, et, après avoir écrit un chapitre rigide contre le luxe, la corruption du siècle, le despotisme des grands, ils s'en allaient le soir flatter ceux-ci, dans nos cercles, corrompre la femme de leurs voisins et partager tous les vices du monde. « Vieux fou, vieux gueux », se disait Diderot, âgé de 62 ans et amoureux de toutes les femmes, « quand cesseras-tu donc de t'exposer à l'affront d'un refus ou d'un ridicule. « Voici de quoi composer votre paradis, » disait Madame de Rochefort à Duclos. « Du pain, du vin, du fromage, et la première venue. » Helvétius, d'ailleurs honnête homme et bon homme, mot dont on a trop mésusé et qu'il faut faire revenir à sa première valeur, Helvétius, marié, se faisait amener chaque nuit une nouvelle maîtresse par son valet de chambre, qui les cherchait autant qu'il pouvait dans la classe honnête du peuple. Madame de n'a pas, dit-on, été à l'abri des caresses du vieillard de Ferney, dont l'immortalité est d'ailleurs bien connue. J'ai entendu Champfort conter une anecdote curieuse sur Jean-Jacques Rousseau. Il avait vu des lettres du philosophe genevois à une femme, dans lesquelles celui-ci employait toute la séduction de son éloquence pour prouver à cette même femme que l'adultère n'est pas un crime. « Voulez-vous savoir le secret de ces lettres ?» ajoutait Champfort. « L'ami des lettres était amoureux. » Enfin, personne n'ignore que les mains du grand chancelier Bacon n'étaient pas pures, que Hobbes, ce philosophe si hardi dans ses écrits, ne put se résoudre à mourir, et qu'excepté Fénelon et Catina, les mœurs des philosophes de notre âge différèrent totalement de celles des anciens sages de la Grèce. À Dieu ne plaise que je révèle la turpitude de ces grands hommes par une malignité que je ne trouve point dans mon cœur. Malgré les faiblesses, je les crois des plus honnêtes gens de notre siècle. Et il n'y a pas un de nous qui les blâmons, qui les valions au fond du cœur. Mais j'ai été contraint contre mon goût de faire apercevoir ces différences parce qu'elles mènent à des vérités essentielles au but de cet essai. Il doit résulter de ce tableau que nos philosophes modernes, vivant plus dans le monde et selon le monde que les anciens, ont dû mieux peindre la société et connaître davantage les passions et les ressorts. De là, il résulte que leurs ouvrages, plus calculés pour leur siècle, ont dû avoir une influence plus rapide sur leurs contemporains que les livres des Platon et des Aristote. Aussi voyons-nous qu'il s'est écoulé moins d'années entre la subversion des principes en France et le règne des encyclopédistes qu'entre la même subversion des principes en Grèce et le triomphe des sophistes. Cependant, et les premiers et les seconds parvinrent à renverser les lois et les opinions de leur pays. La recherche de l'influence des philosophes de l'âge d'Alexandre sur leur siècle et de celle des philosophes modernes sur notre propre temps demande à présent toute l'attention du lecteur. C'est une grande question que celle-là, savoir comment la philosophie agit sur les hommes. Si elle produit plus de bien que de mal, plus de mal que de bien. Comment elle détermine les révolutions et dans quel sens elle les détermine, et jusqu'à quel point un peuple qui ne se conduirait que d'après des systèmes philosophiques serait heureux. Nous n'embrassons pas cette question générale qui nous mènerait trop loin, et nous considérons seulement la philosophie par l'influence qu'elle a eue sur la Grèce et sur la France en nous bornant à la politique. Un essai est un livre pour faire des livres. Il ne peut passer pour bon qu'en raison du nombre de fétus d'ouvrages qu'il renferme. D'ailleurs, le sujet que je traite s'étend si loin, et mes talents sont si faibles, que je tâche de me circonscrire. D'une autre part, le temps se précipite et je me fatigue. On aperçoit une différence considérable entre l'âge philosophique d'Alexandre et le nôtre, considéré du côté de leur influence politique. Les divers écrits sur le gouvernement qui parurent en Grèce à cette époque, devinrent le signal d'une révolution générale dans les constitutions des peuples. L'Orient commua ses institutions despotiques en des monarchies plus modérées, tandis que les républiques grecques rentrèrent sous le joug des tyrans. Les livres de nos publicistes modernes ont développé au contraire une révolution totalement opposée. Des États populaires se sont érigés sur les débris des trônes. Ceci naît d'une position relative différente dans les siècles. Lorsque les Platons, les Aristote, publièrent leur République, la Grèce possédait encore les formes de ce gouvernement. Le disciple de Socrate et le stagirite n'apprenaient donc rien de nouveau au peuple, et n'avaient-ils pas les lois des Solons et des Lycurgues? Nous pénétrons ici dans les replis du cœur de l'homme. Quel gouvernement les philosophes légistes d'Athènes exaltèrent-ils dans leurs écrits comme le meilleur? Le monarchique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient senti les inconvénients du populaire. Mais non, disons plutôt parce qu'ils ne possédaient pas le monarchique. L'état où nous vivons nous semble toujours le pire de tous, et mille petites passions honteuses que nous n'osons nous avouer nous font continuellement haïr et blâmer les institutions de notre patrie. Si nous descendions plus souvent dans notre conscience pour examiner les grandes passions du patriotisme et de la liberté qui nous éblouissent, peut-être découvririons-nous la fourbe. En les touchant avec l'anneau de la vérité, nous verrions ces magiciennes, comme celles de l'Arioste, perdre tout à coup leurs charmes empruntés et reparaître sous les formes naturelles et dégoûtantes de l'intérêt, de l'orgueil et de l'envie. Voilà le secret des révolutions. Du moins, les philosophes grecs, en vantant la monarchie, suivit-ils en cela les mœurs du peuple, désormais trop corrompus pour admettre la constitution démocratique. Les livres de ces hommes célèbres durent avoir une très grande influence sur les opinions de ceux qui, se trouvant à la tête de l'État, pouvaient beaucoup pour en altérer les formes. Démosthène eut beau crier contre Philippe, plusieurs pensaient à Athènes que son gouvernement n'était pourtant pas si mauvais. Leurs préjugés contre les rois s'étaient adoucis par la lecture des ouvrages politiques, et bientôt la Grèce passa sans murmurer sous l'autorité royale. Jean-Jacques Rousseau, Mably, Raynal, en embouchant la trompette républicaine, trouvèrent l'Europe endormie dans la monarchie. Le peuple réveillé ouvrit les yeux sur des livres qui ne prêchaient qu'innovations et changements. Un torrent de nouvelles idées se précipita dans les têtes. Le relâchement des mœurs, l'enthousiasme de choses nouvelles, l'envie des petits et la corruption des grands, le souvenir des oppressions monarchiques, et plus que cela, la fureur des systèmes, qui s'étaient glissés parmi les courtisans mêmes, tout seconda l'influence de l'esprit philosophique et jeta la France dans une révolution républicaine. Car, par la même raison que les publicistes grecs vantèrent le gouvernement royal, les publicistes français célébrèrent la Constitution populaire. Ainsi, l'influence politique des philosophes de l'âge d'Alexandre et de ceux de notre siècle agit dans le sens le plus contraire. En Grèce, elle produisit la monarchie, en France, la République. Mais il ne faut pas admettre trop promptement ces vérités. La France n'a pas conservé les formes démocratiques. Si nous parlons des mœurs, nous trouvons que celles des peuples de la Grèce, au moment de la révolution d'Alexandre, étaient à peu près au même degré de corruption que les mœurs des Français, à l'instant de l'institution de la République. Or, ces mœurs produisirent l'esclavage à Athènes. Elles n'ont pas été mères de la liberté à Paris. Il me reste à parler de l'influence de la Réformation. La religion et la politique se tiennent de si près que ce fut l'altération des principes religieux qu'il produisit en partie la chute de l'Empire romain. Altération commencée par les sectes dogmatiques d'Athènes. Et c'est le même changement d'idées religieuses dans le peuple qui a causé de nos jours le bouleversement de la France. Chapitre 50. Influence de la Réformation. C'est une grande époque dans l'Europe moderne que celle de la Réformation. Dès que les hommes commencent à douter en religion, ils doutent en politique. Quiconque ose rechercher les fondements de son culte ne tarde pas à s'enquérir des principes de son gouvernement. Quand l'esprit demande à être libre, le corps aussi veut l'être, c'est une conséquence naturelle. Erasme avait préparé le chemin à Luther. Luther ouvrit la voie à Calvin, celui-ci à mille autres. L'influence politique de la Réformation se trouvera dans les révolutions qui me restent à décrire. En la considérant seulement ici, sous le rapport religieux, on peut remarquer que les diverses sectes qu'elle engendra produisirent sur le christianisme le même effet que les écoles philosophiques de la Grèce sur le polythéisme. Elles affaiblirent tout le système sacerdotal. L'arbre, partagé en rameaux, ne poussa plus vigoureusement sa tige unique et devint ainsi plus aisé à couper branche à branche. Je ne puis quitter l'article de la Réformation sans faire une réflexion de plus. Pourquoi toutes ces scènes de carnage? La Ligue, où l'on vit, comme de nos jours, les Français traîner les entrailles fumantes de leurs victimes, dévorer leurs cœurs encore palpitants, leurs chairs encore tièdes, et fouillant dans les sépulcres, couvrir le sol de la patrie des carcasses à moitié consumées de leurs pères. Pourquoi ces troubles des Pays-Bas, où le duc d'Albe joua le premier acte de la tragédie de Robespierre? Les massacres des paysans d'Allemagne, les guerres civiles d'Écosse, la révolution de Cromwell, durant laquelle des malheureux entassés dans les cales humides des vaisseaux périssaient empoisonnés les uns par les autres. Pourquoi, dis-je, ces abominables spectacles? Parce qu'un moine s'avisa de trouver mauvais que le pape n'eût pas donné à son ordre, plutôt qu'à un autre, la commission de vendre des indulgences en Allemagne. Pleurons sur le genre humain. Lorsque les tempêtes élevées par la Réformation se furent apaisées, le Vatican reparut, mais à moitié en ruine. Il avait perdu l'orgueil de ses murs, et ses combles entr'ouverts étaient sillonnés de ses propres foudres, que la fureur de l'orage avait repoussées contre lui. Les rois et les papes, en s'opposant par des mesures violentes aux innovations religieuses, n'avaient fait qu'irriter les esprits. Petite et faible dans le calme, la liberté devient un géant dans la tempête. Entre les conséquences funestes qui résultèrent de ces troubles pour la religion, une ne doit pas être omise. Les révolutions ravagent les mœurs dans leur cours, comme des sources empoisonnées qui font mourir les fleurs sur leur passage. L'œil de la loi, fermé pendant les convulsions d'un étang, ne veille plus sur le citoyen qui lâche les rênes à ses passions et se plonge dans l'immoralité. Il faut ensuite des années, quelquefois des siècles, pour épurer un tel peuple. Ce fut évidemment le cas en Europe, après les troubles dont je viens de parler. Et la religion, qui se calcule toujours sur les mœurs, dut, en proportion de la relaxation de celle-ci, perdre beaucoup de son influence. Cependant, l'harmonie s'étant rétablie, les hommes reportèrent les yeux en arrière et commencèrent à rougir de leur folie. Les lumières, toujours croissantes, secondaient ce penchant à haïr ce qui semblait la cause de tant de maux. En matière de foi, il n'est point de borne. Aussitôt qu'on cesse de croire quelque chose, on cessera bientôt de croire le tout. Rabelais, Montaigne, Mariana étonnèrent les esprits par la nouveauté et la hardiesse de leurs opinions politiques et religieuses. Hobbes et Spinoza, levant ensuite le masque, se montrèrent à découvert, et bientôt après, Louis XIV donna à l'Europe le dernier exemple de fanatisme national par la révocation de l'édit de Nantes. Enfin, le régent parut. Le duc d'Orléans brillait de génie, de grâce, d'urbanité, mais il était l'homme le plus immoral de son siècle et le moins fait pour gouverner une nation volage sur laquelle les vices de ses chefs avaient tant d'influence lorsqu'ils étaient aimables. Ce fut alors qu'on vit naître la secte philosophique, cause première et finale de la Révolution. Lorsque les nations se corrompent, il s'élève des hommes qui leur apprennent qu'il n'y a point de vengeance céleste. Le bouleversement que l'eau opéra dans l'État par son papier ne contribua pas peu à ébranler la morale du peuple. Intérêt et cœur humain sont deux mots semblables. Changer les mœurs d'un État, ce n'est qu'en changer les fortunes. Dans les accès du désespoir et dans le délire des succès, tout sentiment de l'honnête s'éteint, avec cette différence que le parvenu conserve ses vices et l'homme tombé perd ses vertus. La presse, cette invention céleste et diabolique, commençait à vomir les chansons, les pamphlets, les livres philosophiques. Chaque poste annonçait aux citoyens, tantôt l'inceste d'un père, l'exécrable mort d'un cardinal, des débauches que la plume d'un Suétone rougirait de décrire, et en payant les taxes, il soldait à la fois et les vils courtisans et les troupes qui le forçaient à leur obéir. Le mépris, puis la rage, étaient les sentiments qui devaient s'emparer du cœur de ce citoyen. Que le peuple alors apprenne le secret de sa force, et l'État n'est plus. Ce fut sous le règne suivant qu'éclata la secte encyclopédique dont j'ai déjà touché quelque chose. Je vais la considérer à présent dans ses rapports religieux et politiques avec les institutions de la France. Fin de la section 12.